pris sur le vif. Écoutez. Findus présente la pizza à la piémontaise. Généreuse, savoureuse. Régalez-vous en choisissant Findus. Sur le bois verni, les traces de doigts s'amarquent. Les traces de doigts? Mais en utilisant Plitz, ça s'en va très bien. Regardez, et à la place, ça laisse un brillant superbe. Plitz, les traces en moins, le brillant en plus. Je sais pas ce qu'il y a, je suis raplapla. Il faut éliminer. En buvant Vital, vous éliminez. Vital vous aide à retrouver la vitalité qui est en vous. La bombe de lac à cheveux à 10 francs. Qu'est-ce que vous en dites? À ce prix-là, poisson d'avril. Non, prix unique jusqu'à mardi. Ne manquez pas d'en profiter en venant à prix unique. Répétez. Findus présente la pizza à la piémontaise. Généreuse, savoureuse. Régalez-vous en choisissant Findus. Sur le bois verni, les traces de doigts s'amarquent. Les traces de doigts? Mais en utilisant Plitz, ça s'en va très bien. Regardez, et à la place, ça laisse un brillant superbe. Plitz, les traces en moins, le brillant en plus. Je sais pas ce qu'il y a, je suis raplapla. Il faut éliminer. En buvant Vital, vous éliminez. Vital vous aide à retrouver la vitalité qui est en vous. La bombe de lac à cheveux à 10 francs. Qu'est-ce que vous en dites? À ce prix-là, poisson d'avril. Non, prix unique jusqu'à mardi. Ne manquez pas d'en profiter en venant à prise unique.